Quelques trucs indispensables pour limiter les informations que l'on disperse sur Internet. C'est un article paru sur le site Paris Lutte Info, paris-lutte au pluriel.info. Il a été publié le 4 novembre 2017. Et cet article ne s'adresse pas aux pros de l'ordi ou du smartphone. Il ne s'agit pas de se rendre invisible ou anonyme sur Internet, mais de prendre quelques mesures rapides et faciles à ne faire qu'une fois, qui permettent de réduire les informations livrées à des entreprises, à limiter son profilage et même d'accélérer l'accès aux pages Internet. Utiliser Internet au quotidien nous fait lâcher tout un tas d'informations à de plus en plus d'entreprises privées qui nous pistent d'un site à l'autre. Facebook, Twitter, Google, pour les plus connus. Google est présent, par exemple avec leur service de statistiques, sur une majorité de sites Internet. Facebook ou Twitter le sont également à travers les boutons partager, liker. À chaque fois que vous y visitez un site internet où est présent l'un de ces pisteurs, vous leur dites ce que vous y faites, de quel site vous venez et vers quel site vous partez. Toutes ces informations mises en commun permettent d'avoir une image assez précise de votre trajet sur Internet. De nombreuses entreprises récoltent ces informations, les traitent, les croisent, les analysent et parfois les plaquent sur des schémas prédictifs. C'est ce que l'on appelle le big data. Elles les revendent ensuite à d'autres entreprises qui en feront de la publicité ciblée, ce qui est saoulant, ou à des services de renseignement étatiques, ce qui est plus embêtant. L'analyse croisée de tout un tas d'informations que vous laissez sur le web permet de faire une cartographie assez précise de votre environnement, de vos contacts, de vos opinions, de votre consommation. Le principe des schémas prédictifs, les patterns, c'est de faire parler ces informations, vous profiler et donc déduire les possibles informations que vous n'avez pas données. Pôle emploi ou la CAF, par exemple, utilise ce type de schéma en analysant vos mouvements bancaires, la régularité de vos connexions sur leur site, votre historique, pour déterminer si une personne a un profil de fraudeur. Ces quelques conseils qui y suivent permettent facilement, sans connaissance particulière et sans prise de tête, de limiter ces informations au cours de votre utilisation quotidienne d'Internet. Ils permettent de ne plus se faire harceler par les pubs, de limiter les données qui sont récupérées par des entreprises privées ou des services de surveillance, d'utiliser Internet un peu plus tranquillement et plus rapidement. Tout d'abord, limiter les informations pendant la navigation sur des sites Internet. Les quatre principaux navigateurs Internet, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge et Chrome, ont tous connu des failles majeures ces dernières années en matière de sécurité. Le plus important est d'abord de faire régulièrement les mises à jour qui corrigent ces failles. Si vous possédez un smartphone Android, le mieux est d'installer Firefox plutôt que de laisser le navigateur pourri que les constructeurs ont l'habitude de fournir. Il est également disponible pour iPhone. Sur ordinateur, PC, Mac, Linux, Firefox est globalement le plus fiable, sauf utilisation particulière type développement web. Même s'il n'est pas toujours le plus rapide, ce navigateur prend souvent des mesures efficaces pour améliorer la sécurité et la confidentialité pendant la navigation. Chrome, Safari et Edge ne sont pas particulièrement open source et collectent des informations respectivement pour Google, Apple et Microsoft. Petit encart, le HTTPS, c'est quoi? Ce protocole chiffre les informations entre votre ordinateur et le serveur où est hébergé le site. En HTTP, toutes les informations, ce que vous lisez, ce que vous faites, ce que vous envoyez, ce que vous écrivez, sont lisibles par tous. Le HTTPS ne garantit pas l'anonymat, mais il garantit la confidentialité de ce que l'on fait sur le site. Quelle page a été consultée, quelles données a été transmises, articles postés, commentaires écrits, mots de passe enregistrés, images envoyées, etc. Ces informations sont transmises entre votre ordinateur et le serveur de manière cryptée. Et seuls vous et le serveur peuvent y avoir accès. Beaucoup de rumeurs circulent sur la fiabilité des protocoles de sécurité. Elles sont souvent incorrectes. Tout le monde peut se connecter sur, par exemple, https://paris-lutte.info. Les navigateurs supportent tous cette connexion. Paris Lutte n'a pas encore activé pour la lecture du site l'obligation de se connecter en HTTPS, car certains vieux navigateurs ne le supportent pas. C'est estimé à environ 5% des utilisatrices en France. Rajoutez vos sites préférés disponibles en HTTPS à vos favoris. Par exemple, https://paris-lutte.info. Ça vous évitera de vous connecter sur ces sites en non sécurisé par erreur. Trois petites extensions à installer en deux clics sur votre navigateur qui limiteront les informations collectées et accéléreront l'affichage des sites. Tout d'abord, uBlock Origin bloque les publicités et les scripts qui vous pistent. Si vous utilisez déjà AdBlock, supprimez-le et installez uBlock qui marche mieux, accélère l'affichage des sites et ne vend pas l'affichage de pubs sélectionnés et ne vend pas l'affichage de pubs sélectionnés au plus offrant. Là, il y a des liens pour l'installer sur tous les navigateurs. Autre petit plus à installer, le HTTPS Everywhere. Il va forcer la connexion HTTPS, dont on parlait plus haut, ou tout à l'heure en fait, sur les sites qui le supportent. Là encore, il y a les liens vers les différents navigateurs. Enfin, un troisième petit plus, le Privacy Badger. Il va détecter toutes les requêtes qu'un site envoie à votre navigateur et lorsqu'il s'aperçoit de ce que ces requêtes tentent de vous pister à travers ces pages ou à travers différents sites, il va les mettre sur liste rouge. Encore une fois, les liens vers Firefox, Chrome, Opera. Ces différentes extensions sont toutes open source, c'est-à-dire que le code de ces programmes est accessible à tous et toutes et peut être vérifié, si on possède des compétences évidemment. Elles ne possèdent donc pas de portes cachées, de backdoors, qui permettraient à une organisation tierce de récupérer les données, ce qui peut être le cas d'autres logiciels dont le code n'est pas rendu public. J'ajouterais, je fais un tout petit encart, que personnellement j'ai ajouté aussi le rajout de Firefox qui s'appelle Disconnect Me, mais je le mettrai en lien plutôt de la lecture. Remplacer les recherches Google. Par exemple, il y a Start Page, c'est trouvable sur startpage.com. Il lance pour vous une recherche Google sans fournir les informations à Google. Il possède toutes les options de recherche Google et aussi des recherches images et vidéos. Il n'enregistre pas les adresses IP, ne piste pas vos recherches et ne les stocke pas. On peut l'ajouter à la recherche de Firefox en un clic. Il existe également en appli pour smartphone, pour iPhone, Android. Vous trouverez, vous cherchez sur l'article directement. Il y a aussi DuckDuckGo.com, qui est un moteur de recherche ressemblant à Google, assez efficace. Il utilise plusieurs moteurs de recherche différents, qui ne collecte pas d'informations et ne stocke pas votre historique de recherche. On peut accéder aux options les plus pratiques, recherche avancée par date, type, moteur de recherche d'images et vidéos. Il est léger et clair. DuckDuckGo est inclus dans Firefox. Cliquez sur le bouton de recherche, allez dans Paramètres de recherche, sélectionnez DuckDuckGo comme moteur par défaut. Les utilitaires massivement utilisés qu'il ne faut pas utiliser. AdBlock Plus. Il vend aux entreprises de publicité des passe-droits pour figurer sur une liste blanche. En gros, si l'entreprise paye, elle peut mettre sa pub et installer son mouchard. De plus, AdBlock et AdBlock Plus sont très lourds. Ils peuvent ralentir l'affichage des pages web et saturer l'ordinateur ou le smartphone. Il y a aussi Ghostery. Cette extension qui permet de ne plus se faire pister pendant la navigation est propriétaire, c'est-à-dire que personne ne peut lire le code qui la compose et pourrait donc intégrer des backdoors ou récolter des données. Elle envoie également par défaut les données des sites que vous visitez pour les revendre à des entreprises de pub dans le but d'améliorer leurs affichages publicitaires sur Internet. Il y a une source, en fait, parce que ceci provient de la page d'aide du site riseup.net. Donc ça a été traduit depuis la page en anglais des conseils donnés pour une meilleure navigation sur Internet. J'hésite, je vous lirai bien parce qu'en fait c'est plutôt rapide la lecture. Je complémenterai bien par ce qu'il propose sur le site de Parilit, à savoir un autre texte qui s'appelle « Et si on sécurisait nos échanges ?» qui est un petit peu plus long et qui a été publié le 28 octobre 2017. Il est trouvable aussi sur paris-lit.info. Et si on sécurisait nos échanges, appels, SMS, réseaux sociaux, tous ces moyens d'échange sont surveillés par les flics et pourtant nous sommes nombreux et nombreuses à continuer de discuter de nos actions dessus. Et si on changeait nos habitudes? Il existe de nombreux moyens faciles de communiquer entre nous de manière à échapper au flicage. Évidemment, l'échange direct, la discussion réelle, sera toujours à privilégier. Toutefois, dans cet article que nous vous présenterons, comment être plus discret en 3 points. Signal plutôt que vos SMS. Signal. Cette application libre et gratuite chiffrera vos SMS, MMS avec ceux et celles qui ont également l'application. Le contenu de vos SMS ne seront plus pas stockés pendant 2 ans par votre fournisseur, car vos messages passent par le web. Et transmis en clair, mais sous la forme de messages chiffrés, impossibles à lire pour ceux qui les intercepteraient. Vous pouvez la mettre par défaut, son interface ne change absolument pas de ce que vous connaissez. Ce qu'il y a de pratique avec Signal, c'est que si votre interlocuteur a lui aussi installé l'application, les messages se chiffrent tout seuls, mais si un autre de vos contacts n'a pas encore installé Signal, alors il lui envoie un SMS classique, sans chiffrement, avec la même interface. Pas besoin de jongler avec plusieurs applications. Signal s'adapte en toute transparence. Attention, si vous envoyez des messages depuis Signal vers un interlocuteur qui n'a pas installé l'application, alors, votre fournisseur d'accès, Orange, oui, SFR, conserve les métadonnées, c'est-à-dire qu'il sait à quelle heure et à qui vous avez envoyé un message. C'est déjà ce qui se passe quand vous envoyez un texto de manière classique. Enfin, quand vous envoyez un SMS ou un MMS entre utilisateurs de Signal, ceux-ci ne sont pas comptés sur votre forfait. Cet outil chiffre les messages sur leur trajet, mais aussi si une personne malveillante déverrouille votre portable, elle aura accès en clair à vos messages de la même manière que vous. Pensez à mettre un code sur votre portable et sur l'application, c'est la base. Si vous ne devez retenir que Signal de cet article, faites-le. Facile d'utilisation, facile à mettre en place, pourquoi ne pas le télécharger? En effet, votre pire mouchard est dans votre poche. Écoute, géolocalisation et collecte de données en tout genre, les téléphones sont sûrement nos meilleurs ennemis. Pour limiter la casse, téléchargez cette application simple et efficace qui permet à minima de chiffrer vos SMS. Signal offre aussi, au même titre que des messageries populaires telles que WhatsApp, la possibilité de créer facilement des groupes et de se partager des documents de formats différents. C'est très pratique dans plein de situations. Vous pouvez enfin appeler en chiffré d'autres utilisateurs de Signal, si vous avez une bonne connexion Internet, Wi-Fi ou 4G. Dans ce cas, votre appel passe par le web comme pour Skype ou Messenger, comme pour les SMS ou MMS. À condition d'être connecté à une borne Wi-Fi, les appels ne seront pas comptés sur votre forfait, même si vous vous trouvez à l'étranger. À télécharger depuis votre téléphone pour Apple ou Android. Et il y a un lien vers un tuto pour apprendre à utiliser Signal. Rise Up plutôt que Gmail. Privilégiez des services qui respectent votre vie privée. Ces services, en plus d'être éthiques, permettent une sécurité accrue, car ne nous donnent pas aux flics. Les boîtes commerciales telles que Gmail, Microsoft, mais aussi La Poste ou Yahoo, n'ont qu'un seul objectif, se faire du pognon. Ils n'auront donc aucun souci à vous balancer aux flics ou aux plus offrants. Ils facilitent même la plupart du temps le boulot des flics en utilisant des backdoors au profit des flics. Pour communiquer en chiffré par mail, la seule solution est celle du chiffrement manuel expliqué un peu plus bas, tout à l'heure, des clés GPG ou PGP. Mais vous pouvez déjà utiliser les boîtes mail plus discrètes que Gmail, par exemple RiseUp. Donc là, il y a un lien vers RiseUp. La Framatime plutôt que Facebook. Pour discuter plus tranquillement en groupe, rien ne vaut Framatime.org. Il s'agit d'un programme hébergé par les Lyonnais de Framasoft. Là encore, il ne s'agit pas d'une solution à toute épreuve. Les conversations ne sont pas chiffrées, nous n'avons pas la main sur les serveurs. Mais comparé à Facebook, qui met tout en accès libre à des publicitaires comme à des flics, c'est incomparable. Nous pouvons faire confiance aux gens de Framasoft, qui ont réfléchi à la sécurité Internet et à la protection de la vie privée. Avec cet outil, vous pouvez créer des groupes de chat privés, des groupes de discussion où vous serez beaucoup plus tranquille que sur Messenger. Pour ce faire, il suffit de créer un compte et d'inviter vos amis à vous rejoindre sur le channel. Cliquez pour avoir accès à la liste des services proposés par Framasoft dans le cadre de leur projet Dégooglisons Internet. Et vraiment, je vais vous le mettre en très gros ce lien parce que c'est assez hallucinant toutes les propositions que propose Framasoft sur son site et toutes les initiatives aussi et tous les articles super intéressants en plus. Ensuite, la réunion plutôt que la visioconférence. Ah, puis c'est trop bien l'illustration, c'est une photo qui avait été prise à Bure. La communication réelle, en direct et en vrai, est la seule qui vous assure une totale sécurité. Réfléchissez avant de raconter à votre pote le déroulé de la manif qu'il est elle ou elle a raté. Ça peut pas attendre plusieurs jours. Soyez discret au téléphone. Si vous tenez vraiment à discuter, ne mentionnez personne d'autre que vous. Pas même via des pseudos. En plus, se voir en vrai, c'est tellement carrément plus sympa. Pour aller un peu plus loin, chiffrez ces mails manuellement, entre guillemets. Cette méthode ne demande aucune connaissance informatique préalable. Avec elle, si une personne malveillante déverrouille votre portable, elle n'aura pas accès à vos conversations. De plus, elle est utilisable dans divers contextes. Renforcez les outils comme Signal et RiseUp, utilisation sur des forums, des chats, etc., etc. On parle de chiffrement avec des clés GPG ou PGP. Vous aurez besoin de télécharger un logiciel et de lire un petit tutoriel. Voilà, en 5 minutes de concentration, vous saurez chiffrer votre conversation. Il y a une explication plus détaillée sur Open Classroom. Si vous voulez vraiment vous exercer, Open Classroom vous propose des exercices. Un autre tuto au cas où, cette fois sur le site de Rébellion. Tout ça, ce sera des liens que vous trouverez sur l'article initial et que je rajouterai dans la description de cette lecture. Le lien vers les articles. Pour aller encore plus loin, c'est possible, n'hésitez pas à lire le guide de base en milieu numérique. C'est des fiches pratiques. Il y a aussi, enfin je vous mettrai plusieurs liens, parce qu'il y a plusieurs guides qui sont hyper pratiques. Et aussi, et moi je dirais surtout, à utiliser le navigateur Tor. Celui-ci vous permettra une navigation plus discrète. Il y a aussi en lien l'annuaire des sites français du Deep Web, qui sont riches en tutoriels divers pour améliorer encore plus votre sécurité sur le net. Et si vous êtes des grands malades, des grandes malades, ou juste des passionnés, jetez un coup d'œil au guide d'autodéfense numérique. Voilà, c'est celui auquel je pensais tout à l'heure. Ce guide est très détaillé et permet une complète compréhension des enjeux et des ressources à notre disposition. De plus, il vient tout juste d'être mis à jour et il est très explicatif. Pour résumer, en finale, ne jamais préparer une action sur le net, mais toujours en réel. Ne jamais parler d'une action sans passer par un chiffrement. En faisant ça, vous mettez en danger vous. Vous vous mettez en danger et vous mettez aussi en danger les autres. Vous pensez ne rien donner aux flics en discutant tranquillement sur Blocus Paris avec votre compte fake? Sérieusement? Voilà, c'était un complément, donc un deuxième article, paru lui aussi sur paris-lutte.info. Et puis, je mettrai d'autres liens encore parce qu'il y a plein de liens super intéressants sur le sujet, sur différents médias libres ou sur différents guides de sécurisation en ligne. Je rappelle que la sécurité, elle n'est pas uniquement dans le cas où on veut poser des bombes, loin s'en faut. La sécurité, ça équivaut à la même chose que quand on écrit à quelqu'un, ben de vouloir juste mettre une enveloppe pour que tout à chacun n'ait pas accès à des petits mots doux ou à n'importe quoi d'autre qui concerne la vie privée, qui concerne même des listes de courses qui peuvent être revendues, comme on le disait dans l'article précédent, à des boîtes qui vont vous tracer et créer un profil. Aujourd'hui, on sait qu'on peut encore gérer des choses, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et on ne sait pas ce que choisiront comme décision éthique ces différentes entreprises. Donc en fait, apprendre à se sécuriser sur Internet ou sur son téléphone, sur son smartphone, c'est juste le béaba qui correspond à mettre une enveloppe sur une lettre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures.